Mon petit oiseau a appris sa volée. Mon petit oiseau a appris sa volée. A appris ça à la volette, a appris ça à la volette, a appris sa volée. Est allé se mettre sur un oranger. Est allé se mettre sur un oranger. Sur un eau à la volette, sur un eau à la volette, sur un oranger. La branche était sèche, elle s'est cassée. La branche était sèche, elle s'est cassée. Elle s'est à la volette, elle s'est à la volette, elle s'est cassée. Mon petit oiseau, où t'es-tu blessé? Mon petit oiseau, où t'es-tu blessé? Où t'es-tu à la volette? Où t'es-tu à la volette? Où t'es-tu blessé? Me suis cassé l'aile et tordu le pied. Me suis cassé l'aile et tordu le pied. Et tordu à la volette, et tordu à la volette, et tordu le pied. Mon petit oiseau, veux-tu te soigner? Mon petit oiseau, veux-tu te soigner? Veux-tu te à la volette, veux-tu te à la volette, veux-tu te soigner? Je veux me soigner et me marier. Je veux me soigner et me marier. Et me ma à la volette, et me ma à la volette, et me marier. Me marier bien vite sur un oranger. Me marier bien vite sur un oranger. Sur un eau à la volette, sur un eau à la volette, sur un oranger.